Веселих слуги са не като принц. Равиш не жемър бихни ти пехне. Хто русих ме дрог пилешо. Шумля с русри. Трабал. La barque tire sur sa longe, hoche le corps d'un pied sur l'autre, inquiète et têtue comme un jeune cheval. Ce n'est pourtant qu'un assez grossier réceptacle, une cuillère de bois sans manche, mais creusée et cintrée pour permettre une direction du pilote. Elle semble avoir son idée, comme une main faisant le signe coup-ci. Elle adopte une attitude passive, file doux, est facile à mener. Si elle se cadre, c'est pour les besoins de la cause. Lâchée seule, elle suit le courant et va, comme tout au monde, à sa perte, tel un fétu. Fleur Narcisse se rend un jour à lui.